On va parler des aigles de Robertval avec notre ami Simon Godreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, il y avait un match hors concours. Il restait un match ou deux hors concours des aigles, de vos équipes des aigles. Comment ça s'est passé? On a joué la semaine dernière, début de la saison. On voulait se donner un bon temps de pratique là, avant le début de la saison. Et puis les matchs ont bien été là, à l'image un peu de l'identité. On commence à, tranquillement, pas vite. Nos Benjamins jouaient contre l'équipe hybride Bantam 2B d'Arvida. Donc, c'est des jeunes de secondaire 1 et 2 à l'intérieur de l'équipe. Nous, c'est uniquement du secondaire 1. On a gagné 4 à 2 en Benjamin. Et puis, en cadet, on a joué également contre Arvida. C'est un programme triple contre Arvida. En cadet, on les a battus 7 à 2. Et puis, en juvénile, là, on a perdu 2 à 1 contre le Blue Hair, là. Y a-t-il une petite rivalité entre les deux, compte tenu qu'il y en a un qui c'est le hockey scolaire et l'autre c'est du hockey civil? Est-ce qu'il y a une petite rivalité? Il pourrait y en avoir une, là? Ben, les deux organisations, là, c'est au niveau scolaire. Le cadet et le juvénile, c'est du hockey scolaire. Il y a vraiment juste le Benjamin, là, qu'eux ont été refusés pour rentrer dans la Ligue Benjamin. Division 1. Donc, ont créé un Benjamin à l'intérieur de leur école qui vont jouer dans le civil, donc un hybride. Et puis, on sentait pas de rivalité, là, dans le fond. Donc, c'est là, vraiment, on sent vraiment plus, on sent plus une rivalité au niveau du juvénile parce que c'est les deux équipes qui se ressemblent beaucoup par rapport à l'année passée. Puis, on avait joué contre en série, donc c'est sûr que là, on sentait qu'il y avait un peu d'animosité là, dans les matchs. Mais à part de ça, il n'y a pas de rivalité entre civil ou scolaire. OK. Donc, j'ai le goût de donc, est-ce qu'on se sent prêt maintenant? Oui, ben on se sent prêt. À chaque pratique, on se sent de mieux en mieux, c'est sûr. On a travaillé fort cette semaine. Les trois équipes ont bien pratiqué. Et puis là, c'est notre dernière fin de semaine de congé avant le début de la saison régulière. Là, ça va débuter le vendredi. Lundi prochain, un programme triple dans la journée d'école. L'école va pouvoir venir voir les joueurs jouer. Ça va être, on va tout mettre en vitrine nos équipes sportives et nos différents programmes au niveau de l'école vendredi prochain. Donc, ça va être vraiment une belle journée là, pour notre organisation et notre école. OK. Autre chose à ajouter, peut-être en terminant? Ben, tranquillement, pas vite, on est en préparatif pour notre challenge. Ouais. On a hâte que la saison débute aussi. On sent que les jeunes, comme je te disais, l'effort est tellement là, l'entraînement, on les sent graffinés. Ils ont hâte de jouer des matchs qui comptent. Et puis, on les force à compétitionner dans les pratiques, mais il n'y a rien qu'un bon match de hockey pour compétitionner davantage. Puis, on a vraiment hâte que tout s'emboîte et que la saison débute. OK. Ben, on va se reparler, évidemment, les chroniques sont courtes, mais on va se reparler de quand les chroniques, quand la saison va commencer, Simon, à toutes les semaines encore une fois. Simon Godreau des Aigles. Un gros merci, Daniel. Simon Godreau des Aigles de Robertval.